Dans l'épisode précédent, la famille Cardo est enfin arrivée à Demon Vegas. Mais faute d'argent, ils doivent se contenter de dormir dans un champ comme des campeurs. J'ai ramené ma tante Igloo, tu verras, elle est très confortable. Une tente ! Mark a vendu un de ses reins, 400 000 dollars, pour aider sa famille. Mais ces derniers trouvent qu'ils pourraient encore faire un petit sacrifice. 400 000 dollars ? Et tu trouves qu'on peut avoir la tête haute pour ce prix-là ? C'est vrai. Aussi, Mark, je pense que nous allons encore avoir besoin de tes services. Il retourne frapper à la porte de Tanya. Oui, qui est-ce ? C'est Cardo. Mark Cardo. Entrez. Je savais bien que vous ne résisteriez pas longtemps à vous faire de l'argent facile. Elle lui propose 350 000 dollars contre son foie et son rein. Mark accepte. Voici le cinquième épisode de votre série Demon Vegas, épisode intitulé « À la recherche des dollars perdus ». Je suis fier de toi, Mark. Tu as su t'investir corps et âme pour notre gloire. Oui, surtout le corps. Mais mon âme en est meurtrie. Je ne me sens pas très bien, j'aurais besoin d'une dialyse. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Nous n'avons pas assez d'argent. Quand notre palais sera construit, nous verrons si nous pouvons t'offrir une nouvelle vie d'homme. Allez, je vais faire mes recherches pour la construction de notre palais. Entreprise de construction, le palais à portée de main, j'écoute. Bonjour, j'aimerais connaître les prix pour faire construire un palais. Est-ce possible d'avoir un devis ? Un devis ? Vous n'êtes pas Demon Vegas, vous. Je n'ai pas l'habitude que les milliardaires me demandent des tarifs pour nos prestations. Excusez-moi, je ne suis qu'un nouveau milliardaire. Je ne connais pas encore bien les coutumes de votre pays. Soit, que voulez-vous savoir ? Je voudrais faire construire un palais en marbre rose du Piémont, d'une surface de 1350 mètres carrés, pour une hauteur de 3 étages. Oui, je vois. Un petit palais de campagne, selon vos données. Cela vous coûtera environ 5 millions de dollars. Combien ? Il n'y a pas de réduction pour les nouveaux arrivants ? Nous n'avons pas l'habitude de faire des soldes. Très bien, au revoir. Que se passe-t-il, père ? Tu n'as pas l'air bien. Je crois que les problèmes ont pris notre famille pour résidence. C'est si grave que ça ? Il nous manque de l'argent, beaucoup d'argent. Ne me regardez pas comme ça. Je n'ai plus d'organes à vendre. Et ton corps ne vaut finalement pas grand-chose. Ça ne suffirait pas. Comment va-t-on faire, alors ? Je vais te confier l'argent qu'il nous reste, Paul. Et tu vas te servir de la chance que tu as eue dans les affaires par le passé. Tu vas faire comme Jésus, mais au lieu de multiplier les pains, tu vas multiplier les dollars. Sa chance dans les affaires ? Ne faut pas oublier qu'à chaque fois, il a tout perdu. Et puis qui va payer ma dialyse ? Ta dialyse, mais tu ne crois pas qu'on a autre chose à penser que tes petits bobos ? L'heure n'est pas à la dispute, les enfants. Va, Paul, et ne reviens que pour faire de nous des hommes riches. Comment vais-je faire pour gagner plus d'argent ? Sur cette plage, doit bien y avoir des personnes qui pourront m'aider. Peut-être une femme. Je pourrais lui vendre mon corps. Mais pas de la même façon que Mark, bien entendu. Bonjour, mademoiselle. Le sable fin, la mer, le soleil et vous ? Me serais-je au paradis ? Si c'est le cas, vous n'avez rien à y faire. C'est le paradis des milliardaires ici. Vu vos vêtements, vous seriez beaucoup mieux à Emmaüs Plage. Et puis, qu'est-ce que vous sentez mauvais avec vos vêtements ? Mais c'est parce qu'on n'a pas de douche à côté de notre tente, c'est pas facile de se laver. Parce que vous habitez dans une tente ? Oh mon Dieu, disparaissez ou j'appelle la sécurité. Un jour vous verrez, madame, c'est vous qui ramperez à mes pieds. Oui, bah vos pieds, mettez-les plus loin parce que j'arrive plus à respirer. Vous ne perdez rien pour attendre. Je ne perds jamais. Visiblement, c'est plutôt vous qui avez tout perdu. Il est clair que vu mon état actuel, je n'ai pas le même charme que par le passé. Pourtant, ce vieil homme là-bas, lui, il n'a pas de problème pour attirer les femmes. Je devrais lui demander conseil. Ah bonjour monsieur, je m'appelle Paul Cardo. Penbrick. Roy Penbrick. Roy. Dis donc, vous avez l'air d'avoir drôlement bien réussi dans la vie. Toutes les femmes vous vénèrent. Oh, vous savez, avec l'argent, la beauté n'a pas de visage. Sans indiscrétion, vous faites quoi dans la vie ? Je suis turfiste. Ah, vous faites du turf, vous êtes turfeur. C'est pas trop dangereux ? Eh, les vagues sont drôlement impressionnantes. Tu me fais rire, bonhomme. Je suis turfiste. Je parie aux courses. Tu vois, avec un seul cheval, j'ai pu m'offrir les 60 chevaux de ma Ferrari. Un seul cheval ? Oui, maintenant, j'ai tout un élevage de chevaux de course. Ah, c'est intéressant. Je crois que moi aussi, je vais devenir turfiste. le plus grand Murphy de tout Demon Vegas.